original. Normal, pathologique, le delta est sensible du monde, elle en sera la fin. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient.